entendre quelquefois. T'as l'élégance d'un épouvantail. Pour moi, le chic, ce n'est qu'un détail. Toujours en toi un cochon sommeil. Dès que tu parais, ça le réveille. T'es malin comme un gros sac de noix. C'est bon, les noix dans les bois. Tu es prétentieux comme un vieux coq. Un coq, ça n'est pas coq. T'as l'œil intelligent d'un poisson. Qui mord à ton hameçon. Tu es gracieux comme un hérisson. Pour plaire, c'est ma façon. Je connais tes défauts et pourtant je pense à toi tout le temps. Quand l'amour parle en maître, nous n'avons qu'à lui obéir. Il peut tout se permettre. Comme une fleur, il faut le cueillir. Laïla, laïla, laïla, la, tu me plais pas, la sang. Laïla, laïla, laïla, la, dis-moi les mots, c'est qui me plaît en toi. Tu es bavard comme un perroquet. Mais je laisse aboyer les roquets. Bon, un garçon pour toi est galant. Bien vite, tu fais la roue comme un pan. Toi, dès qu'une fille te sourit, comme une tomate, alors tu rougis. Tu es légère comme un papillon. T'as rien d'une fleur en bouton. Tu ronronnes comme une chatte sur le toit. Quand le matou n'est pas toi. Ainsi qu'une girouette bien souvent. Tu tournes à tous les vents. Pour me faire tourner la tête, crois-moi. Faut être mieux que toi. Pourquoi nous disputer sans arrêt, puisqu'on va s'aimer après. Quand l'amour parle en maître, nous n'avons qu'à lui obéir. Il peut tout se permettre. Comme une fleur, il faut le cueillir. Laïla, laïla, laïla, la, tu me plais pas, la, la, laïla, laïla, laïla, la, dis-moi, laïla, laïla, laïla, toi. Il est tourné, il est tourné. Qui part d'un beau verger, loin d'elle. toi, ce qui est à moi, est à moi. Et comme ce moulin est à moi, forcément il n'est pas à toi. Toi, notaire, ça m'exaspère. Vous n'êtes pas assez malin pour venir prendre mon moulin. À la rigueur, moi je veux bien que l'on prenne mon vin, qu'on prenne le frais dans mon jardin, qu'on prenne mon temps quand je ne fais rien. Mais vous n'êtes pas assez malin pour venir prendre mon moulin. Pour venir prendre son moulin. J'aurais compris à la rigueur que vous veniez prendre ma sœur. Qui n'en a pas ? Ma femme ou bien mon beurre. Et si je me fâche tout à coup, vous preniez vos jambes à votre cou ou bien la porte en filant doux. Mais vous n'êtes pas assez malin pour venir prendre mon moulin. Il y a encore des juges à faire. Par le monde, pour défendre la ronde, pour défendre la ronde, la veuve et l'orphelin. Il y a encore des juges à faire, des juges pour vous vendre, des juges pour défendre la veuve et l'orphelin.